Les mystères d'Adolphe, Anne Radcliffe, cinquième partie, chapitre 1. Bientôt, le même bruit recommença. Il semblait venir de la partie de la chambre qui se rapprochait de l'escalier. Elle se rappela le désagréable incident de la nuit précédente, pendant laquelle une main inconnue avait fermé sa porte. Ses dernières alarmes sur le lien auquel tenait cette porte lui revinrent aussi dans l'esprit. Son cœur se glaça de terreur. Elle se souleva de son lit, et écartant doucement le rideau, elle regarda la porte de l'escalier. La lampe qui brûlait dans la cheminée répandait une si faible lueur que les coins de l'appartement se trouvaient perdus dans l'ombre. Le bruit qu'elle croyait venir de cette porte continua de se faire entendre. Il lui semblait qu'on en tirait les verrous. On cessait quelquefois. On reprenait fort doucement, comme si l'on avait craint de se faire entendre. Pendant qu'Émilie fixait ses yeux de ce côté, elle vit la porte se mouvoir, s'ouvrir lentement, et vit entrer quelque chose dans sa chambre, sans que l'obscurité lui permît de rien distinguer. Presque mourante d'effroi, elle eut pourtant assez d'empire sur elle pour retenir le cri, prête à lui échapper, et laisser retomber son rideau. Elle observait avec silence cet objet mystérieux. Il semblait se glisser dans les parties les plus sombres de la chambre, s'arrêter quelquefois, et quand il s'approcha de la cheminée, Émilie vit à la lumière que c'était une figure humaine. Un souvenir qui frappa son esprit acheva presque de la faire succomber. Elle continua cependant à observer cette figure qui resta longtemps sans mouvement et qui, s'avançant jusqu'auprès du lit, s'arrêta doucement vers le pied. Les rideaux un peu entr'ouverts permettaient bien à Émilie de le suivre de l'œil, mais la terreur dont elle était saisie la privait de toute faculté et ne lui laissait pas la force de faire un mouvement. Après un instant de repos, la figure revint à la cheminée, prit la lampe, l'éleva, considéra la chambre et se rapprocha lentement du lit. La lumière à ce moment éveilla le chien qui dormait au pied d'Émilie. Il aboya fortement et, sautant par terre, courut à l'étranger. On le repoussa avec une épée couverte de son fourreau. On s'avança vers le lit. Émilie reconnut le comte Morano. Elle le regardait, muette d'effroi. Pour lui, à genoux, auprès d'elle, il la conjurait de ne pas craindre, et jetant son épée, il voulut lui prendre la main. Mais recouvrant alors les forces dont la terreur lui avait d'abord ôté l'usage, Émilie s'élança du lit, toute vêtue. Et sûrement une frayeur prophétique lui avait inspiré une pareille précaution. Morano se leva, et la suivit vers la porte par laquelle il était entré. Il la retint lorsqu'elle arrivait à la première marche, mais déjà elle avait, à la lueur d'une lampe, reconnu un autre homme au milieu de l'escalier. Elle fit un cri de désespoir, et se croyant livrée par Montoni, elle ne vit plus aucune ressource. Le comte qui avait pris sa main l'entraîna dans la chambre. « Pourquoi tout cet effroi ? Dit-il d'une voix tremblante. « Écoutez-moi, Émilie, je ne viens pas pour vous troubler. » « Non, par le ciel, je vous aime trop, sans doute, pour mon repos. » Émilie le regarda un moment avec l'incertitude de la peur. « Laissez-moi, monsieur, lui dit-elle, laissez-moi donc et sur-le-champ. « Écoutez-moi, Émilie, reprit Morano, écoutez-moi. Je vous aime, et je suis au désespoir, oui, au désespoir. Puis-je vous regarder, puis-je penser que c'est peut-être pour la dernière fois ?» et ne pas éprouver toutes les fureurs du désespoir. Non, il n'en sera pas ainsi. Vous serez à moi, en dépit de Montoni, en dépit de toute sa bassesse. « En dépit de Montoni ! » s'écria Émilie avec vivacité. « Ô ciel, qu'est-ce que j'entends ? Vous entendez que Montoni est un infâme ! » s'écria Morano, dans toute sa véhémence. « Un infâme qui vous vendait à mon amour, qui... « Et celui qui m'achetait l'était-il moins ?» dit Émilie en jetant sur le comte un regard de mépris. « Sortez, monsieur, sortez à l'instant. » Puis elle ajouta d'une voix émue par l'espoir et la crainte, « Ou je donnerai l'alarme à tout le château, et j'obtiendrai du ressentiment de M. Montoni ce que j'ai vainement imploré de sa pitié. » Émilie savait pourtant bien qu'elle ne pourrait être entendue par ceux qui pourraient la secourir. « N'espérez rien de sa pitié, dit Murano, il m'a trahi avec indignité. Toute ma vengeance le poursuivra. Et quant à vous, Émilie, il a sans doute quelque projet plus lucratif pour lui que le premier. Le rayon d'espérance que les premières paroles du comte avaient rendu à Émilie fut presque étouffé par celle-ci. Sa physionomie peignit aussitôt son émotion, et Murano s'efforça d'en tirer quelque avantage. « Je perds du temps, dit-il. Je ne suis pas venu pour déclamer contre Montoni. Je suis venu solliciter, implorer Émilie. Je suis venu lui dire tout ce que je souffre, la conjurer de nous sauver tous deux, moi de mon désespoir, elle de sa perte. Émilie, les projets de Montoni sont tels que vous ne pouvez les concevoir. Je vous l'annonce, ils sont terribles. » Émilie était accablée du coup affreux qu'elle avait reçu dans l'instant même où l'espérance avait voulu renaître en son cœur. De tous côtés, elle se voyait perdue, incapable de répliquer, presque incapable de penser, elle se jeta sur une chaise, pâle et sans voix. Il était probable que Montoni l'avait, dans l'origine, vendue à Murano. Il était clair qu'ensuite il avait rétracté sa promesse, et la conduite du comte le prouvait. Il était presque aussi certain qu'un projet plus avantageux avait seul décidé l'égoïste Montoni à abandonner le plan qu'il avait si vigoureusement pressé. Ces réflexions la firent frémir des ouvertures que lui suggérait Murano, et qu'elle n'hésitait point à croire. Mais tandis qu'elle tressaillait à l'idée des malheurs et de l'oppression qui l'attendait dans le château de Dolph, il lui fallut considérer que l'unique moyen d'échapper était la protection d'un homme avec qui des malheurs plus certains et non moins terribles ne pouvaient manquer de l'assaillir. Des mots, enfin, dont elle ne pouvait soutenir la pensée. Son silence encouragea l'espoir de Murano. Il l'observait avec une vive impatience. Il reprit, malgré elle, la main qu'elle avait retirée. Il la pressa contre son cœur et la conjura de se décider. Chaque instant rend, disait-il, le départ plus dangereux. Ce peu de moments perdus peuvent fournir à Montoni le moyen de nous surprendre. « Je vous le demande, monsieur, ne m'importunez pas, dit Émilie d'une voix faible. Je suis bien malheureuse et je dois continuer à l'être. Laissez-moi, je vous prie, laissez-moi à ma destinée. Jamais, s'écria le comte impétueusement. Je périrai plutôt. Mais pardonnez cette violence. La pensée de vous perdre me trouble la raison. Vous ne pouvez ignorer quel est le caractère de Montoni. Vous pouvez ignorer ses projets, oui, vous les ignorez sans doute, ou vous ne balanceriez pas entre mon amour et sa puissance. Je ne balance pas, dit Émilie. Partons, dit Murano, en lui baisant la main et se levant à la hâte. Ma voiture m'attend. Elle est sous les murs du château. « Vous vous trompez, monsieur, dit Émilie. Je vous rends grâce de l'intérêt que vous prenez à mon sort, mais laissez-moi le décider moi-même. Je resterai sous la protection de monsieur Montoni. »« Sous sa protection ! » s'écria fièrement Murano. « Sa protection ! Émilie, vous laisserez-vous donc abuser ? Je vous ai dit ce que serait sa protection. »« Excusez-moi, monsieur, si dans cet instant je n'en crois pas une simple assertion. » Et si j'exige quelques preuves ? Je n'ai ni le temps ni le moyen d'en produire, reprit le comte. Et je n'aurai, monsieur, aucune volonté de les entendre. Vous vous jouez de ma patience et de ma peine, continua Murano. Un mariage avec l'homme qui vous adore est-il donc si terrible à vos yeux ? Ce discours, comte Murano, prouve assez que mes affections ne sauraient vous appartenir, dit Émilie avec douceur. Cette conduite prouve assez que je ne serai point hors d'oppression tant que je serai en votre pouvoir. Si vous voulez m'en détromper, cessez de m'accabler aussi longtemps de votre présence. Si vous me refusez, vous me forcerez à vous exposer au ressentiment de M. Montoni. « Qu'il vienne ! S'écria Murano en fureur. « Qu'il vienne ! » !»« Qui l'ose braver le mien? Qui l'ose considérer en face l'homme qui l'a si insolemment outragé? Je lui apprendrai ce que c'est que la morale, la justice, et surtout la vengeance. Qu'il vienne, et je lui plongerai mon épée dans le cœur. » La véhémence avec laquelle il s'exprimait devint pour Émilie une nouvelle cause d'alarme. Elle se leva de sa chaise, mais ses jambes tremblantes n'eurent pas la force de la soutenir. Elle se leva de sa chaise, elle retomba. Ses paroles expirèrent sur ses lèvres, elle regardait attentivement la porte fermée du corridor. Elle voyait qu'elle ne pouvait fuir sans que Morano la vît et s'opposât à son dessein. « Comte Morano, » dit Émilie en retrouvant enfin la voix. « Calmez-vous, je vous en conjure. Écoutez la raison si ce n'est pas la pitié. Vous vous méprenez également dans votre amour et dans votre haine. Je ne pourrai jamais répondre à l'affection dont il vous a plu de m'honorer, et certainement je ne l'ai jamais encouragé. Monsieur Montoni n'a pu vous outrager. Vous devez savoir qu'il n'a pas droit de disposer de ma main. Quand même, il en aurait eu le pouvoir. Laissez-le quitter ce château. Vous le pouvez avec sûreté. Épargnez-vous les affreuses conséquences d'une vengeance injuste et le remords certain d'avoir prolongé mes souffrances. Est-ce pour ma sûreté ou pour celle de Montoni que vous sentez ces vives alarmes ? Dit Morano froidement en la regardant avec amertume. « Pour l'une et l'autre, » dit Émilie d'une voix tremblante. « Une injuste vengeance, » s'écria le comte, en reprenant subitement le ton et l'éclat de la passion. « Oui, je quitterai ce château, mais je n'en sortirai pas seul. Mes gens m'attendent. Ils vous porteront à ma voiture. Vos cris seront inutiles. Personne ici ne peut les entendre. Soumettez-vous donc en silence et laissez-vous conduire. Comte Morano, je suis maintenant en votre pouvoir, mais observez qu'une pareille conduite ne peut vous acquérir l'estime dont vous prétendez être digne. Vous vous préparez mille remords dans les chagrins d'une orpheline sans amis qui ne peut plus vous éviter. Croyez-vous donc votre cœur si endurci que vous puissiez être témoin insensible des cruelles souffrances auxquelles vous allez me condamner ? Émilie fut interrompue par le murmure de son chien, qui se jeta une seconde fois hors du lit. Morano regarda l'escalier, et n'y voyant personne, il cria à haute voix « Cesario !» Un homme parut à la porte de l'escalier. On entendit les pas de quelques autres. Émilie poussa un grand cri, pendant que Morano l'entraînait à travers la chambre. À l'instant, elle entendit du bruit à la porte, qui ouvrait sur le corridor. Le comte s'arrêta, comme s'il eût hésité entre l'amour et la vengeance. La porte s'ouvrit, et Montoni, suivi du vieil intendant et de quelques autres personnes, se précipita dans la chambre. « En garde !» cria Montoni. Le comte n'attendit point un second défi. Il remit Émilie à ses gens qui remplissaient tout l'escalier, et se retournant avec fierté, « C'est à ton tour, infâme » dit-il en fondant sur lui. Montoni para le coup et chercha lui-même à frapper. Quelques-uns des assistants tentèrent de les séparer. D'autres arrachèrent Émilie aux gens de Morano. « Est-ce pour cela, comte Morano, » dit Montoni d'un ton d'ironie, « est-ce pour cela que je vous recevais sous mon toit et que je vous permettais, à vous, mon ennemi déclaré, d'y passer la nuit ? Étiez-vous venu pour récompenser mon hospitalité par une indigne trahison et m'enlever ainsi ma nièce ?» « Que celui qui parle de trahison, » répliqua Morano avec une véhémence concentrée, « ose se montrer sans rougir. Montoni, vous êtes un infâme. S'il y a trahison dans cette affaire, c'est vous seul qui en êtes l'auteur. »« Lâche !» cria Montoni, échappant à ceux qui le retenaient, et courant sur le comte. Ils sortirent dans le corridor, et le combat fut si furieux que personne n'osait approcher. Montoni jurait d'ailleurs que si quelqu'un s'avançait, il périrait dans l'instant sous ses coups. La jalousie, la vengeance prêtaient à Morano leur rage et leur aveuglement. Montoni, de sang-froid, habile et se possédant, avait l'avantage. Il blessa son adversaire. Il en fut blessé. Mais à l'instant, il lui fit lui-même une large blessure, et d'un coup de fouet fit voler au loin son épée. Le comte tomba entre les bras de son valet de chambre. Montoni, lui appuyant son épée sur la poitrine, voulut l'obliger à lui demander la vie. Morano, succombant à sa blessure, eut à peine répliqué par un geste et par quelques mots qu'il n'y consentait pas, qu'il s'évanouit. Montoni, cependant, allait lui plonger l'épée dans le sein. Cavigny lui arrêta le bras. Il ne céda pas sans une extrême peine. Mais en voyant son ennemi renversé, il ordonna qu'on l'emportât sur le champ hors du château. À cet instant, Émilie, qui n'avait pu sortir de sa chambre pendant tout cet affreux tumulte, Émilie vint au corridor et plaida pour l'humanité, avec le sentiment de la plus vive bienveillance. Elle supplia Montoni d'accorder à Morano dans le château le secours que demandait son état. Montoni, qui rarement écoutait la pitié, semblait en ce moment être affamé de vengeance. Avec la cruauté d'un monstre, il ordonna pour la seconde fois que son ennemi vaincu fût enlevé du château dans l'état où il était, et les environs, couverts de bois, offraient à peine une chaumière solitaire pour l'abriter pendant la nuit. Les domestiques du comte déclarèrent qu'ils ne l'emporteraient pas, jusqu'à ce qu'il eût au moins donné quelques signes de vie. Ceux de Montoni restaient immobiles. Cavigny faisait des représentations. Émilie, seule supérieure aux menaces de Montoni, apporta de l'eau à Morano et commanda aux assistants de bander sa plaie. Montoni, à la fin, sentit quelque douleur à la sienne et se retira pour la faire visiter. Le comte, pendant ce temps, revenait à lui peu à peu. Le premier objet qui le frappa, lorsqu'il ouvrit les yeux, fut Émilie penchée sur lui avec l'expression d'une extrême inquiétude. Il la contempla d'un air douloureux. « J'ai mérité ceci, dit-il, mais non pas de Montoni. C'est de vous, Émilie, que je méritais une punition, et je n'en reçois que de la pitié. » Cesario proposa d'aller d'abord s'informer d'une chaumière avant de le déplacer. Mais Morano était trop impatient de partir. L'angoisse de son esprit paraissait encore plus violente que n'était celle de sa blessure. Il rejeta dédaigneusement la proposition de Cavigny et ne voulut point qu'on obtînt pour lui de Montoni la permission de passer la nuit au château. Cesario voulait faire avancer la voiture, mais le comte lui défendit. « Je ne pourrai pas la supporter, dit-il. Appelez mes domestiques, ils me transporteront à bras. » À la fin, néanmoins, Morano, se calmant un peu, consentit que Cesario alla d'abord préparer la chaumière. Émilie, voyant qu'il avait repris ses sens, allait quitter le corridor, quand un messager de Montoni vint à elle pour le lui prescrire, et ajouta que si le comte n'était point parti, il s'éloigna aussitôt. L'indignation étincela dans les regards de Morano et colora vivement ses joues. « Dites à Montoni, reprit-il, que je m'éloignerai quand cela me conviendra. Je quitterai ce château, qui lui plaît d'appeler le sien, comme on quitte le nid d'un serpent. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il entendra parler de moi. Dites-lui que si je puis l'empêcher, je ne laisserai pas un autre meurtre sur sa conscience. « Comte Morano, savez-vous ce que vous dites ? » dit Cavigny. « Oui, signor, je sais bien ce que je dis, et il entendra ce que je veux dire. Sa conscience sur ce point secondera son intelligence. « Comte Morano, dit Verezzi, qui jusque-là observait en silence, osez encore insulter mon ami et je vous plonge mon épée dans le cœur. Cette action serait digne de l'ami d'un infâme, dit Morano, et la violence de son indignation le fit soulever des bras de ses serviteurs. Mais cette énergie ne fut que momentanée. Il retomba, épuisé par cet effort. Les gens de Montoni retenaient alors Verezzi, qui semblait disposé à remplir sa menace. Cavigny, moins dépravé que lui, tâchait de le faire sortir. Émilie, qu'une vive compassion avait jusqu'alors retenue, se retirait en ce moment avec une nouvelle terreur. La voix de Morano l'arrêta. Il fit un geste faible et lui demanda de s'approcher plus près. Elle avança d'un pas timide, mais la langueur qui décomposait tous les traits du blessé excita son extrême pitié et vainquit toute sa terreur. « Je vous quitte pour toujours, lui dit-il. Peut-être ne vous verrai-je plus. Je voudrais, Émilie, emporter mon pardon. Le dirai-je ? Je voudrais emporter jusqu'à votre bienveillance. Recevez ce pardon, dit Émilie, et les vœux bien sincères que je fais pour votre heureuse guérison. Et seulement pour ma guérison, dit Morano en soupirant. Pour votre bonheur, ajouta Émilie. Peut-être devrais-je être content, reprit-il. Je n'en mérite pas davantage. Mais j'ose vous le demander, Émilie. Pensez à moi, oubliez mon offense, et rappelez-vous seulement toute la passion qui la causa. Émilie paraissait impatiente de s'éloigner. Je vous prie, comte, dit-elle, songez à votre sûreté et ne restez pas plus longtemps. Je tremble des conséquences de l'emportement de Verezzi et du ressentiment de Montoni s'il apprenait que vous êtes ici. Le visage de Morano se couvrit de rougeur. Vous prenez intérêt à ma sûreté, dit-il. J'en prendrai soin et je sortirai d'ici. Mais avant que je me retire, laissez-moi entendre de vous que vous faites des vœux pour moi. Et en disant ces mots, il la regarda d'un air tendre et affligé. Émilie en renouvela l'assurance. Il prit sa main qu'elle retirait à peine et la porta jusqu'à ses lèvres. « Adieu, comte Morano, » dit Émilie. Elle allait se retirer, quand un second message arriva de la part de Montoni. Elle conjura Morano, s'il voulait conserver sa vie, de quitter à l'instant le château, et n'osant pas désobéir au second ordre de Montoni, elle sortit pour l'aller trouver. Il était au salon de cèdre, qui joignait la grande salle, couché sur un sofa. Il souffrait tellement de sa blessure que peu de personnes y eussent mis autant de courage. Sa physionomie sévère, mais froide, exprimait la noirceur de la vengeance. Mais aucun symptôme de douleur. Dans tous les temps, il avait méprisé toutes les douleurs physiques, et ne cédait jamais qu'aux crises violentes de son âme. Il était entouré du vieux Carlo et du signor Bertolini, mais Madame Montoni n'était pas avec lui. Émilie tremblait en approchant. Elle reçut une forte réprimande pour n'avoir pas obéi à ses ordres, et elle vit bien qu'il attribuait sa station dans le corridor à des motifs dont son âme pure n'avait pas même conçu l'idée. « C'est un exemple du caprice des femmes, dit-il, et j'aurais dû le prévoir. Vous rejetiez obstinément le comte pendant que je le favorisais. Vous le favorisez au moment où je le congédie. Je ne vous comprends pas, dit Émilie, surprise. Vous ne prétendez sûrement pas que le comte, en visitant la double chambre, ait été approuvé par moi. Vous ajoutez l'hypocrisie au caprice, dit Montoni en fronçant le sourcil. Vous vous livrez à la satire, mais avant de vous permettre de gouverner les autres, songez à bien apprendre à pratiquer les vertus qu'on exige des femmes, la sincérité, la modestie et l'obéissance. Émilie, qui s'était toujours efforcée de conformer sa conduite à la plus stricte délicatesse, et dont l'esprit concevait si bien non seulement tout ce qui est juste en morale, mais tout ce qui embellit le caractère d'une femme, fut choquée de ces paroles. Montoni parut s'apaiser, et quand Ludovico vint annoncer que Morano était hors du château, il dit à Émilie qu'elle pouvait se retirer. Elle s'éloigna volontiers de sa présence, mais la pensée de rester toute la nuit dans une chambre dont la porte pouvait s'ouvrir à tout le monde lui fit alors plus de frayeur que jamais. Elle se détermina à frapper chez Madame Montoni et à demander qu'il lui fût permis de retenir Annette. En approchant de l'appartement de sa tante, Émilie le trouva fermé. Bientôt il fut ouvert par Madame Montoni elle-même. On peut se souvenir qu'Émilie, peu d'heures avant, s'était glissée dans la chambre à coucher de sa tante, mais c'était par une petite porte. Le calme de Madame Montoni lui fit juger qu'elle ignorait l'accident de son époux. Elle voulut le lui raconter, et commença avec une extrême précaution. Sa tante l'interrompit en lui disant qu'elle savait tout. Émilie savait par elle-même qu'elle avait peu de raisons pour aimer Montoni, mais elle ne la croyait pas capable d'une aussi complète indifférence. Elle obtint la permission d'emmener Annette dans sa chambre, et elle s'y retira aussitôt. Une trace de sang qui marquait le corridor conduisait droit à son appartement, et sur la place où le comte Morano avait combattu, le carreau en était tout couvert. Émilie frissonna et se soutint sur Annette, en y passant. Elle voulut, en arrivant, puisque la porte de l'escalier avait été ouverte, et qu'Annette était avec elle, examiner l'issue de cet escalier. À cette circonstance tenait essentiellement sa tranquillité. Annette, moitié curieuse, moitié effrayée, consentit volontiers à descendre, mais en se rapprochant, elles retrouvèrent la porte verrouillée par dehors, et tout ce qu'elles purent faire fut de l'assurer en dedans, en y plaçant les meubles les plus lourds qu'il leur fut possible de remuer. Émilie alla se mettre au lit, et Annette resta sur une chaise près de la cheminée, où quelques charbons fumaient encore.